Le lendemain, au lever du jour, un brouillard assez dense rampait lourdement sur les eaux du fleuve. Mais les rayons du soleil ne tardèrent pas à percer, et le cours du Waikato apparut dans toute sa matinale beauté. Une langue de terre, finement allongée, hérissée d'arbrisseaux, venait mourir en pointe à la réunion des deux courants. Les eaux du Waipa, plus fougueuses, refoulaient les eaux du Waikato pendant un quart de mille, avant d'y confondre. Mais le fleuve, puissant et calme, avait bientôt raison de la rageuse rivière et il entraînait paisiblement dans son cours jusqu'au réservoir du Pacifique. Une embarcation se montra, qui remontait le courant du Waikato. C'était un canot, long de 70 pieds, large de 5, profond de 3, l'avant relevé comme une gondole vénitienne, et taillé tout entier dans le tronc d'un sapin. Un homme, assis à l'arrière, le dirigeait, au moyen d'une pagaie mobile. C'était un chef maori et de haut rang. On le voyait au tatouage fin et serré qui zébrait son corps et son visage. À son côté reposait un fusil de fabrication anglaise et un patou-patou, espèce de hache à double tranchant. Auprès de lui, 9 guerriers de moindre rang, mais armés. 3 chaînes et mines sauvages étaient étendues à leurs pieds. Au centre de ce long canot, les pieds attachés mais les mains libres, 10 prisonniers européens se tenaient serrés les uns contre les autres. C'était Glenarvan et Lady Helena, Mary Grant, Robert, Paganel, le major, John Mangle, le steward et les deux matelots. La veille au soir, toute la petite troupe, trompée par l'épais brouillard, était venue camper au milieu de nombreux parties d'indigènes. Vers le milieu de la nuit, les voyageurs, surpris dans leur sommeil, furent faits prisonniers, puis transportés à bord de l'embarcation. Ils n'avaient pas été maltraités jusqu'alors, mais ils eurent en vain essayé de résister. Ils ne tardèrent pas à apprendre, en saisissant quelques mots anglais dont se servaient les indigènes, que ceux-ci, refoulés par les troupes britanniques, battus et décimés, regagnaient les districts du haut Waikato. Le chef se nommait Kaikumu, qui signifie « celui qui mange les membres de son ennemi », et sa tête venait d'être mise à prix par le gouverneur de la Nouvelle-Zélande.